C'est la dernière chronique, pas la dernière chronique, mais c'est la dernière chronique, le dernier podcast qu'on fait aujourd'hui. C'est toujours un super vendredi, il y a toujours l'action de vendredi. On en parle avec Wallet, site internet lebitsnfl.com. Salut Wallet. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Wallet, je t'ai vu sur Twitter la semaine passée, puis quelqu'un qui t'a challengé pour parler du trophée Heisman. Évidemment, le trophée Heisman remis au meilleur joueur universitaire du pays. Il y a quelqu'un qui nous a suggéré d'en parler. On va en parler cette semaine. Puis on va comparer à ce que c'était au début de saison. En début de saison, c'était Brian Love de Stanford et Jonathan Taylor de Wisconsin qui étaient les favoris. J'ai regardé dans mes revues. Mais là, il est arrivé quelqu'un de nulle part. Je vais te laisser le prononcer. Je le connais, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à le prononcer. Qui est de la carrière d'Alabama, qui est en première position et facilement, là. C'est même pas serré, là. Je regarde sur ESPN, là, c'est sûr que c'est rien, là. Mais il y a 8 votes de première place. Puis le deuxième, c'est Kyle Murray avec 2. Ouais, ben c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas le nom, c'est Tua Tagovailoa, le carrière hawaïen. Oui, exactement. Il vient d'Hawaï, le carrière hawaïen d'Alabama. Je serais pas prêt à dire là, qu'il vient de nulle part. Là. Je pense qu'avec la fin de match qu'il a connu au début de la saison, moi c'était mon premier choix pour le Heisman. Je disais que si Alabama était pour le faire jouer, avec le très peu que j'avais pu voir de lui lors de la finale l'an dernier contre Georgia, je disais que si Alabama allait le faire jouer, il y avait de très bonnes chances de remporter le Heisman. Puis regarde, depuis le début de l'année, le gars a seulement lancé une passe au quatrième quart. Ça montre à quel point qu'il est dominant. Ils n'ont même pas besoin de l'utiliser au quatrième quart parce que l'équipe a tellement de grosses avances, spécialement à cause de Tua, qu'il n'y a pas besoin de jouer. On en parlait la semaine dernière, je m'en rappelle, on disait qu'Alabama avait probablement une des meilleures équipes jamais vues dans l'histoire du college football. Je pense que Tua Tagovailoa est responsable de ça. Il donne une chance à son équipe de performer. Le gars a un bras canon, puis ça fait changement de ce qu'on connaît d'Alabama qui, en temps normal, court le ballon, écoule beaucoup de temps là, sur le cadran, séquence à l'attaque après séquence à l'attaque. Mais là, avec leur nouveau corps arrière, c'est des gros jeux, des grosses passes, puis une défensive qui arrête les adversaires. Donc, en ce qui me concerne, il n'y a aucune course au Heisman cette saison. Tua va gagner le trophée à la mi-décembre. OK. Tua, les autres vont être figurants. T'sais, Brian Love de Stanford, que moi, je voyais sur Sporting News, parce que j'étais Sporting News, on le voyait comme étant un sérieux candidat. Il n'est même pas dans la lutte, là. Ouais, puis le Heisman, tu sais, c'est un peu comme le reste du college football. Tu sais, au début de la saison, on est tous hyper excités, puis on fait des prédictions sur qui va terminer dans le top 4 pour les éliminatoires, qui va remporter le Heisman par rapport à la saison dernière. Puis dans la majorité des cas, on se trompe. Ça fait environ 10 ans que je couvre le college football, puis de mémoire, il y a une saison que je me suis pas trompé. J'avais dit que Marcus Mariota était pour gagner le trophée Heisman il y a de ça quelques années, puis il avait gagné. Sinon, on a toujours des belles surprises, comme tu disais tantôt, un peu des joueurs sortis de nulle part, puis tu vois, pour le fan non régulier, c'est un gars qui avait joué deux quarts et demi dans un match important. On le voyait pas aussi gros là, que les gars qui avaient connu des grosses saisons l'an dernier, comme tu dis, comme Bryce Love ou Jonathan Taylor ou Will Greer. Mais c'est ça qui fait la beauté du sport, c'est que tu as des joueurs qui ont très peu joué, qui sortent du secondaire, puis boum, en une saison, ils deviennent des superstars. Puis on va se rappeler de Tua pour beaucoup d'années là, dans le futur. Donc, il vient d'Hawaï. Je regarde dernièrement. Dernièrement, ça s'est replacé un petit peu. Il joue dans la NFL, mais ça a été longtemps. Tu as eu Chris Winkie, tu as eu Eric Crouch qu'on a vu dans les Canadiennes. Chris Winkie qui avait 28 ans, ça c'est en 2000. Jason White, on l'a jamais vu. Matt Leinart de USC, c'était un flop. Troy Smith qu'on a vu avec les Alouettes. Tim Tebow. Mais regarde dans les dernières années, c'est amélioré beaucoup là. Sam Bradford, Mark Ingram, Cam Newton, Robert Griffin III, Johnny Manziel, James Winston, Marcus Mariota, Derrick Henry, Lamar Jackson et Baker Mayfield. C'est mieux, là, comparativement. C'est des joueurs qui jouent dans la NFL à part Manziel. C'est mieux, effectivement. Si on se parlera encore, si on fait encore un podcast ensemble dans 5 ans, peut-être qu'on va changer la donne puis qu'on va dire, ouais, finalement, c'était pas si bon. Le Heisman, ça prouve que le football collégial puis le football de la NFL, même si les règles sont très similaires, même si le but de la NCAA, c'est d'être des athlètes étudiants pour former des futurs athlètes pour la NFL, ça reste que c'est deux entités complètement à part. Le style de football il est différent, puis je pense que c'est ça qui fait la beauté, puis que tu as des fans qui, eux, vont préférer le college football à la NFL. On va y aller avec des matchs de la semaine maintenant. Les matchs de la semaine, donc, il y en a, moi j'en ai retenu deux. Le match que j'ai retenu, évidemment, c'est à 14h30 sur NBC. Notre Dame qui va recevoir la visite de Syracuse. Syracuse qui est une surprise, on les a pas vus venir pantoute. C'est un sérieux test pour Syracuse. À Notre-Dame en plus. Est-ce que le corps de Notre-Dame, c'est-tu confirmé qu'il va jouer Ian Book, oui, ça a été confirmé qu'il va jouer. Puis juste pour l'information, le match, Notre-Dame est considéré comme équipe locale, mais le match est joué au Yankee Stadium. Donc, c'est un peu un terrain neutre, entre guillemets, parce que Syracuse sont dans l'État de New York. Ceci, pour ceux qui connaissent le college football, on sait que Notre-Dame, c'est quand même une très, très grosse équipe. Donc, ils devraient avoir l'avantage au point de vue des fans dans le stade. Puis Notre-Dame, qui vont aussi porter leur habit spécial une fois par année. Ils sortent un habit de leur série Shamrock. Puis ils vont porter les couleurs des Yankees. Donc, ça devrait être intéressant pour ça. Pour ce qui est de la game, du match en tant que tel, ben Syracuse, très bonne offensive, là. Eric Dungy, qui est un très bon corps arrière. Moi, je vais attendre un score serré. Ça va être le dernier gros test pour Notre-Dame. Puis, si Notre-Dame peut être en mesure de remporter ce match-là, ben, je pense qu'ils viennent de se mériter leur billet pour les éliminatoires Effectivement. dans quelques semaines. L'autre match que j'ai retenu, il est à 20h. Il est sur ESPN. À moins qu'on l'ait sur TSN. Je ne sais pas si on l'a sur TSN, je n'ai pas vérifié. Iowa State contre Texas. 16e Iowa State contre Texas qui est 15e. Ouais, c'est un match-là, malheureusement. Les droits sont de ESPN et de Longhorn Network, qui est Moi, je vais l'avoir. le poste de télé. Ouais. OK. Donc. Il sera pas disponible pour les amateurs là, qui ont le câble normal. C'est un peu décevant, là, considérant que Fox ont un contrat avec la Big 12, puis que Fox va présenter Oklahoma contre Texas. Excuse, Oklahoma contre Kansas, un match qui devrait finir 62 à 3 pour Oklahoma. Mais pour ce qui est de Texas, je pense que c'est un autre gros test. Texas qui a connu des ratés là, dans le dernier mois. Puis Iowa State, qui est une équipe qui est difficile à battre, qui trouve tout le temps le moyen de battre les équipes mieux classées qu'eux. Moi, je mettrais un bon duel. D'après moi, Texas devrait se sauver avec cette victoire-là. Le Sam Ellinger, qui reste un bon corps arrière, devrait trouver une manière là, de faire gagner son équipe. Y a-t-il d'autres matchs qui te... Moi, j'avais retenu ces deux matchs-là. Y a-t-il d'autres matchs que toi qui regardes? Je pense que c'est sur ABC à 8h encore sur ABC, tu as Cincinnati qui se déplace à UCF. UCF qui est un peu l'équipe mal aimée là, du college football parce qu'ils sont invaincus puis beaucoup de leurs fans disent on devrait être classé plus haut. Pour la première fois de l'histoire, l'équipe de College Game Day vont être à UCF demain matin sur le campus là, qui est situé à Orlando. C'est un gros test pour UCF. Ils affrontent une équipe qui est classée dans le top 25. Ils n'ont pas beaucoup de grosses victoires cette saison, ce qui fait en sorte Ils sont qu'on mal les voit classés, pas ouais. plus haut que ça dans le classement. Puis j'en parlais là, plus tôt cette semaine dans un autre podcast que je fais. C'est très beau, c'est le fun de l'histoire de UCF puis de voir qu'ils sont invaincus. Ça reste qu'ils restent dans une petite conférence qui affronte pas des équipes du top 25. Va falloir qu'ils sortent gros dans ce match-là s'ils veulent justement avoir plus de reconnaissance au point de vue national, puis éventuellement là, faire le saut vers une grosse conférence, un peu comme Utah puis TCU l'ont fait là, au début des années 2000, en quittant la Mountain West Conference pour se rendre respectivement dans la Pac-12, puis la Big 12. Je pense que c'est ça. Ça va être un bon test, là. Mackenzie Milton, le corps arrière de UCF, il est assez impressionnant à voir jouer. Le gars est aussi bon avec son bras qu'avec ses jambes. Si vous n'êtes pas en mesure de regarder le match, là, de Iowa State et Texas, comme que Danny vient de le dire, moi, je vous suggère ce match-là sur ABC à 8h samedi OK. soir. Effectivement. Donc, Wallet, on se reparle vendredi prochain. Ben ouais, parfait. Vendredi prochain, puis il y a des matchs. Oui, vendredi, il y a des matchs vendredi parce que c'est Thanksgiving aux États-Unis. Donc, Ouais. donc Peut-être qu'on va se parler jeudi ou moi, tu les parles jeudi, maintenant possiblement que tu l'auras. jeudi, ouais, ça, dépendant de ton horaire aussi, là. Fait que, on va avancer peut-être d'une journée, considérant que c'est le Thanksgiving, il y a des matchs le vendredi. Wallet, on s'en reparle bientôt. Yes, Oh, bonne fin de semaine et bon football. du site internet leblitznfl.com, Wallet.